gardent tous à l'intérieur des sentiments, des moments passés en couleur ou noir et blanc. Les images d'une femme, des amis, des amants, ceux qui font basculer une vie en un instant. Tout a changé le jour où je t'ai rencontré, je t'ai prise par la main, mais on s'est plus quitté pour une histoire sans fin, à passer à rêver. Tout a changé ce matin où je t'ai retrouvé allongé près de moi. J'étais bien, t'étais là pour une nuit à passer, à rire et à s'aimer. Et même si l'amour fait pas tout, tant pis pour vous. Vous qui m'avez laissé tomber, abandonné. C'est vrai, ça fait mal et depuis, tout est fini. Chacun, chacune a fait son lit et peut dire aujourd'hui que tout a changé le jour où il a rencontré, il a prise par la main pour ne plus la quitter, pour une histoire sans fin, à passer à rêver. Pour moi rien n'a changé ce matin où je t'ai retrouvé allongé près de moi. J'étais bien, t'étais là pour une vie à passer, à rire et à s'aimer. Tout a changé le jour où je t'ai rencontré, je t'ai prise par la main et on s'est plus quitté pour une histoire sans fin, à passer à rêver. Tout a changé ce matin où je t'ai retrouvé allongé près de moi. J'étais bien, t'étais là pour une nuit à passer, à rire et à s'aimer.